Aucun homme ne peut satisfaire tous les besoins d'une femme. Aucune femme ne peut satisfaire tous les besoins d'un homme. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Nous espérons tous entretenir des relations significatives avec les autres, mais la solitude revient hanter les cœurs d'une multitude de gens chaque jour. Pourquoi est-il si difficile pour certains de nouer des relations profondes et durables? Pourquoi semble-t-il incapable d'échapper à la douleur de la solitude? Aujourd'hui, Charles Stanley nous enseigne que, même si Dieu est en mesure de satisfaire tous nos besoins, il veut toutefois nous voir tendre la main à notre entourage afin de trouver un sentiment d'appartenance qui désaltère le cœur et satisfait notre besoin de compagnie. Charles Stanley va nous parler des 10 étapes pratiques qui nous aideront à chasser la solitude de notre vie. Apprenons ensemble à bâtir de sages amitiés. Lorsque vous réfléchissez sur l'amitié, vous en venez probablement à la conclusion que des amis véritables, sincères, affectueux, sympathiques, dévoués et loyaux constituent un des atouts les plus précieux que puisse posséder une personne dans sa vie. Et puisqu'ils sont un atout, on doit miser sur eux. Investir dans l'amitié nécessite du temps, des efforts et de l'énergie. J'entends parfois des gens dire « Je n'ai tout simplement pas les amis que j'aimerais avoir ». Mais la vraie question est de savoir si vous essayez réellement de nouer des amitiés. Essayez-vous activement de bâtir des relations ou vous contentez-vous de les attendre en espérant? Les amitiés de circonstance arrivent d'elles-mêmes, mais elles sont superficielles et disparaissent aussi facilement qu'elles sont apparues. Au contraire, des amitiés sincères, véritables, authentiques, affectueuses, loyales et dévouées ne sont jamais le fruit du hasard. On ne les trouve pas, on les bâtit et on les entretient. Et la qualité du matériau de construction employé pour bâtir ces amitiés déterminera leur durabilité et le degré de satisfaction qui en résultera. Hélas, nous sommes parfois trop pressés et nous ne voulons pas y mettre le temps nécessaire. Nous ne voulons pas faire les efforts qui s'imposent pour parvenir à entretenir une amitié solide avec quelqu'un. Par conséquent, nous demeurons prisonniers de ce désir inassouvi de développer des amitiés enrichissantes. Or, je vous le répète, pour nouer des amitiés solides, il faut investir. Elles ne se développent pas toutes seules. J'aimerais donc que nous nous arrêtions un peu pour penser à cette idée et spécialement au plan préparé par notre Dieu pour l'humanité depuis le début du monde. Dieu a d'abord créé Adam. Or, après avoir considéré la question, il a conclu qu'il manquait quelque chose à sa création. Adam était seul, et le Tout-Puissant prononçait cette vérité profonde sur la nature de cette créature. La Bible rapporte cette parole dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » À présent, quand la Bible parle d'homme, elle parle habituellement de l'humanité en général. Il n'est certainement pas préférable pour un homme d'être seul, pas plus que pour une femme. Ce sont les paroles mêmes de Dieu. Et il en était à ce point persuadé et convaincu qu'il a donné Ève à Adam. Dieu avait créé Adam capable d'entrer en relation avec son environnement, et il désirait qu'Adam ait une relation et une amitié. Il a donc créé Ève. Dieu nous a créés pour entrer en relation les uns avec les autres. Il nous a créés pour que nous soyons compagnons les uns des autres. Et il n'est pas bon que nous vivions seuls. Et bien qu'une personne qui vit seule puisse dire que le Seigneur nous apprend à nous contenter de ce que nous avons, je crois qu'il est encore préférable pour plusieurs raisons de ne pas être seul. Dieu savait cela et il a pris des dispositions pour satisfaire le besoin de compagnie de l'homme. Un court survol de l'Ancien Testament nous rappellera le grand nombre de serviteurs de Dieu qui entretenaient des amitiés solides. Ils avaient leur cercle d'amis. En fait, la Bible nous signale dès le début que Dieu lui-même recherchait des liens d'amitié significatifs avec l'homme. Il considérait le patriarche Abraham comme son ami et il était quant à lui l'ami d'Abraham. Plus tard, on peut noter les liens de Moïse avec Aaron et Josué. Ils n'étaient pas seulement pour lui des collaborateurs, mais bien des amis intimes, proches et qui pouvaient l'aider. On se rappelle les amis de David qui auraient sans hésiter donné leur vie pour lui. Pensons à l'affection de David pour Jonathan, dont il considérait l'amour plus précieux que celui d'une femme. Et pourtant, on ne pourrait remettre en question la virilité de David, lui dont l'intérêt parfois excessif à l'endroit des femmes l'a conduit à pécher gravement contre l'Éternel. Que dire maintenant du prophète Daniel et de ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego? Ils étaient tous trois dévoués à leur ami, au point de risquer leur vie pour leurs convictions. Et le Seigneur Jésus n'avait-il pas son cercle intime? Il avait bien sûr les 12 apôtres, mais parmi ces 12, il s'en trouvait trois qui étaient particulièrement proches de lui, Pierre, Jacques et Jean. Ce dernier est d'ailleurs connu comme le disciple que Jésus aimait. On peut également parler de l'apôtre Paul. Ses lettres nous font découvrir l'étendue considérable de son cercle d'amis, et on peut remarquer dans plusieurs versets le souci pur et sincère dont il faisait preuve à leur égard. Ils avaient certainement beaucoup d'importance à ses yeux, malgré la distance qui les séparait. Un ami loyal, dévoué et fidèle constitue donc un atout de taille, et sans lui, quelque chose d'important manque à notre vie. Et j'aimerais vous demander ceci. Lorsque vous analysez votre vie, pouvez-vous nommer un, deux ou trois de ces amis? Si vous pouvez répondre à cette question par un oui, remerciez le Seigneur parce qu'il vous a abondamment béni. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'amitié si vous ne l'étiez pas déjà. Nous sommes maintenant prêts à répondre à la grande question. Comment pouvons-nous développer ce genre de relation? Comment pouvons-nous nouer ce genre d'amitié avec une personne? D'abord, notre passé exerce souvent une influence sur la façon dont nous sommes traités. Et je ne parle pas seulement de notre enfance, mais également de la manière dont nous sommes traités en tant qu'adultes. La manière dont nous avons été traités dans le passé exerce une influence manifeste sur notre capacité à bâtir de sages relations et de sages amitiés. Laissez-moi énumérer une liste de 10 éléments qui vous aideront dans ce projet. La question est de savoir quand nous sommes en mesure de bâtir de sages amitiés. Premièrement, nous bâtissons de sages amitiés au moment où nous écoutons l'autre, où nous partageons des expériences et des intérêts avec lui et où nous éprouvons pour lui un souci sincère et qui soit mutuel. Ce n'est pas le seul élément à considérer et ce n'est pas non plus le plus important. Mais il constitue un prérequis essentiel si nous voulons nouer un lien d'amitié solide avec une personne. Partager un intérêt profond et mutuel est donc la base sur laquelle nous pouvons débuter une sage amitié. Pour les hommes, cet intérêt peut être le golf, la pêche, la chasse ou un autre sport, comme il peut être d'ordre financier ou familial. L'intérêt peut varier d'une personne à l'autre et prendre plusieurs formes. Et il en est de même pour une femme. Elles doivent trouver quelque part un intérêt commun. Or, nous qui sommes croyants avons certainement un merveilleux intérêt commun. En effet, si nous voulons bâtir une amitié, une relation sage, cet intérêt commun du croyant, quelle que soit la forme qu'il revêt, doit certainement être centré d'une façon ou d'une autre sur la personne de Jésus-Christ. Car, si vous développez une relation ou une amitié avec quelqu'un que vous ne pouvez même pas mentionner le nom de Jésus sans que votre ami s'y objecte ou qu'il se sente sous pression, il y a un problème. La relation ne peut être durable à moins bien sûr qu'il s'agisse d'une personne ou d'un ami que vous voulez amener à Jésus-Christ. Dans ce cas-là, c'est compréhensible. Cependant, quand nous parlons de bâtir une amitié loyale, dévouée et authentique, nous devons certainement avoir d'abord et avant tout des intérêts communs pour quelque chose ou quelqu'un. Le prochain élément dont je vais parler est très important pour bâtir ce genre de relation sage. En effet, si votre amitié dépend exclusivement de la capacité de votre ami à répondre à vos besoins et pas du tout de votre capacité à répondre à ses besoins, elle ne résistera pas. Si la motivation de votre amitié est fondée principalement sur vos besoins, qui doivent être satisfaits par l'autre, cette amitié n'ira probablement pas très loin. Deuxièmement, les amis doivent donc non seulement trouver un intérêt commun, mais également avoir un intérêt mutuel. À présent, je crois que Dieu veut nous faire parvenir à un point où il est absolument suffisant dans notre vie. Je sais que, en ce qui me concerne, par exemple, je n'ai plus besoin de dépendre des autres pour vivre. J'ai vécu assez longtemps seul, et ce, depuis plusieurs années maintenant. Dieu m'a effectivement conduit vers cette étape où je n'ai plus besoin de personne. Mes besoins ne peuvent être satisfaits qu'avec lui. Attention, je ne vous dis pas que nous n'avons plus besoin de voir personne. Non. Simplement, nous n'avons plus ce besoin de nous accrocher désespérément aux gens pour qu'ils nourrissent nos vies, qu'ils les complètent, les satisfassent ou même les remplissent. Car ce genre de relations dans lesquelles une des personnes impliquées compte sur l'autre pour combler ses besoins ne dure habituellement pas très longtemps. Non, nous avons tout en Dieu. Il désire donc nous faire parvenir à ce point où nous sommes satisfaits en lui à cause de qui il est. Le Seigneur Jésus-Christ peut travailler dans notre cœur pour nous faire parvenir au point où nous sommes absolument remplis en lui, où nous sommes heureux et satisfaits d'une satisfaction complète, adéquate et suffisante. Et c'est justement à ce moment précis que nous sommes vraiment en mesure de bâtir des amitiés sanctifiées, sages, merveilleuses, satisfaisantes, stimulantes et motivantes, car elles ne sont pas basées sur notre besoin d'être remplis par l'autre. Pourquoi? Car nous sommes déjà remplis du Seigneur. Nous pouvons alors spontanément et gratuitement distribuer l'amour surabondant du Seigneur. Notre relation est alors basée sur notre intérêt envers l'autre, sur notre désir de l'aimer sans attendre rien en retour. Nous pouvons alors nous demander comment l'aider, comment répondre à ses besoins, comment le soutenir. Nous n'agissons plus par égoïsme, car nous sommes imprégnés de l'amour pur et gratuit de Dieu. Il est donc aisé de faire la différence entre une amitié basée sur ce sentiment égoïste, ce besoin de l'autre pour nous satisfaire, cette volonté d'exercer sur lui un contrôle total et celle au contraire libérée de cette contrainte, ce qui nous permet de bâtir des relations et des amitiés très sages, sanctifiées, satisfaisantes, fécondes, agréables et pures. Mais si nous voulons bâtir ce genre de relation, ce genre d'amitié, nous devons, troisièmement, être prêts à souffrir le rejet et la douleur. Nous ne pourrons pas y échapper, car nous sommes humains et le péché a vicié toute notre nature humaine, y compris notre manière de communiquer l'un avec l'autre. Voici comment cela arrive. Deux personnes peuvent s'aimer ou entretenir entre elles de bonnes relations. Or, soudain, l'un des deux va agir d'une manière qui donnera à l'autre l'impression d'être rejeté. Elle sentira que, pour agir de la sorte, la première personne ne pensait pas ou ne se souciait pas de savoir comment elle réagirait. Cela la blessera donc. Toutefois, si vous attendez de rencontrer une personne qui ne vous causera aucune douleur, qui ne vous fera jamais sentir rejeté ou négligé, qui ne vous causera jamais de blessure, réelle ou imaginée, vous n'entrerez jamais en relation avec vos semblables. Prenez Jésus, par exemple. Il a fait souffrir Pierre. Quand Pierre a dit à Jésus qu'il croyait qu'il était le Messie, Jésus lui a répondu que c'était l'Esprit Saint qui lui avait fait comprendre cela. Or, quelques instants plus tard, lorsque Pierre exprime son désaccord à propos des souffrances que Jésus doit subir, Jésus le traite de Satan. Il y avait de quoi déstabiliser quelqu'un. Et Pierre a souffert de cette réflexion de Jésus. Si nous voulons bâtir de sages relations, nous devons donc être préparés à subir quelques blessures et à souffrir d'incompréhension ou de rejet. Certaines personnes ont vécu tellement de ces inconvénients qu'elles ne peuvent plus les tolérer. Elles se disent que cela n'en vaut pas la peine. Mais ce n'est pas vrai. Oui, cela vaut la peine de risquer la souffrance et le rejet pour pouvoir cultiver des liens d'amour et d'attachement avec un ami sincère, véritable, affectueux, dévoué et loyal. Cela en vaut certainement la peine. Or, rappelez-vous, vous ne grandirez jamais si vous n'êtes pas prêt à souffrir. Vous ne grandirez jamais si vous ne voulez pas être blessé ou être accablé par la douleur. Voulez-vous bâtir des relations et des amitiés saines? Quatrièmement, si vous le voulez vraiment et si vous décidez de le faire, vous le pourrez en aimant jusqu'à vous sacrifier parfois. Cela veut dire que vous serez prêt à donner sans rien attendre en retour. Cela veut dire que vous pourrez donner même si vous avez vous aussi des besoins. Toutefois, vous ne serez pas obligé de les mentionner. Cela veut dire que vous serez prêt à passer après l'autre. Cela veut dire que même si vous n'êtes pas d'accord, vous consentirez quand même à faire ce que vous devez faire. Et si vous voulez aimer en vous sacrifiant, vous serez prêt à renoncer à votre vie, à vos désirs et à vos souhaits pour plaire à l'autre personne, la rendre heureuse et apporter le contentement et la joie dans sa vie. Et si vous ne savez pas comment aimer, comment allez-vous bâtir des amitiés solides et authentiques? Les gens développent des amitiés qui ne sont pas basées sur l'amour parce qu'elles ne sont pas fondées sur un sens de responsabilité sanctifié ni sur une intimité véritable avec l'autre personne. Elles sont basées sur autre chose. Mais quand une personne bâtit de sages relations, de sages amitiés, elle est disposée à aimer en se sacrifiant et elle en est capable. Cela implique qu'elle comprend que les choses ne se déroulent pas toujours comme elle le voudrait. Même si c'est elle qui a raison, elle est prête à renoncer à ce droit d'avoir raison. Cinquièmement, si vous tenez à avoir ce genre de relation, vous devez être prêt à vous ouvrir et à être transparent. Cela veut dire que vous devez être disposé à ouvrir votre cœur, à exprimer ce que vous ressentez sans vous inquiéter de la façon dont l'autre personne va réagir. Être transparent signifie être ouvert et sincère en ce qui concerne nos sentiments, nos pensées, ou nos façons d'agir. Et il est possible que votre ami vous remette en question. Et je dois vous dire que si vous attendez de rencontrer quelqu'un qui sera toujours d'accord avec vous, vous ne recherchez pas un ami. Un ami est capable de vous affronter, mais de le faire avec amour. Son but est de vous édifier, de vous fortifier, de vous aider à bien saisir votre relation avec Dieu et de vous aider à comprendre comment vous pouvez vivre dans la paix et la plénitude, pas de vous écraser ou de vous dominer. Comme vous devez commencer à vous en douter, ce genre de relation exige beaucoup d'efforts, d'énergie et de franchise. Je comprends la grandeur du risque et de vos interrogations. Personne n'aime à être rejeté. Et vous pourriez l'être sans l'avoir aucunement mérité, c'est vrai. Ce qu'il y a de tragique avec une telle attitude, c'est qu'en fermant la porte, vous vous enfermez vous-même dans votre propre solitude. Mon cœur saigne pour les gens solitaires. Ils se sont enfermés dans un très petit espace par peur d'être eux-mêmes rejetés encore plus qu'ils ne l'ont déjà été. Ils ont peur de subir encore plus de blessures et de souffrir davantage. Or, ils ne seront jamais capables de sortir de leur prison volontaire avant d'être prêts à prendre encore plus de risques. Seront-ils blessés? Oui. Souffriront-ils? Oui. Seront-ils rejetés? Oui. Cela en vaut-il la peine? Oui. Mais il faut être prêt à sortir de sa coquille et à s'exposer. Il faut être prêt à dire « Je suis imparfait, voici mon vécu et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre compréhension, de vos prières. » Sixièmement, si nous voulons bâtir ce genre d'amitié intime et heureuse, nous devons prendre plaisir à servir notre ami. Voulez-vous avoir un véritable ami? Voulez-vous être un véritable ami? Voulez-vous développer des amitiés véritables? Vous devez alors apprendre à servir, car si vous aimez toujours recevoir, mais que vous refusez de donner quoi que ce soit en retour, vous ne connaîtrez jamais d'amitié authentique, loyale, dévouée et durable. L'amour n'est pas à sens unique. Quand vous remarquez deux personnes qui ont un esprit de service, qui vivent un mariage heureux et qui s'aiment à n'en mourir, elles répandent la joie tout autour d'elles, car elles ont vraiment appris à vivre ensemble. Elles s'entourent de petites attentions réciproques sans avoir besoin d'être cajolées pour le faire. Elles le font naturellement, car c'est l'expression du profond respect et de la sincère affection qu'elles ont l'un envers l'autre. Septièmement, pour construire une sage amitié, il faut être capable de demander pardon. Si vous ne pouvez pas dire « Je suis désolé, j'ai eu tort, j'ai fait une bêtise, ce n'était pas gentil de ma part, je ne me suis pas soucié de ta réaction, je pensais seulement à moi et pas à toi, j'ai agi par égoïsme, je veux te demander pardon pour cela. » Vous ne pourrez bâtir une solide relation avec quelqu'un. Si vous ne pouvez pas dire cela, vous ne pourrez pas bâtir des amitiés. Vous devez être prêt à demander pardon, et bien sûr, vous devez être prêt à l'accorder, selon le cas. Car le pardon fait essentiellement partie d'une amitié durable. Vous devez être en mesure de pardonner, peu importe l'injure, et vous devez le faire complètement. Si quelqu'un dit « Je veux bien te pardonner, mais c'est fini, terminé », cela annule tout, car alors on ne peut parler de véritable pardon. Il faut pardonner inconditionnellement. Serez-vous blessé? Oui. Et si on vous blesse, que faites-vous de cette meurtrissure? L'entretenez-vous ou pardonnez-vous? Et si vous vous sentez rejeté, entretenez-vous ce sentiment ou pardonnez-vous? Ou si vous pensez avoir été négligé, entretenez-vous ce sentiment ou pardonnez-vous? Si on vous dit quelque chose et que vous pensez « cette remarque était vraiment déplacée, ce n'était pas correct de sa part », comment réagissez-vous? Comment puis-je refuser de pardonner à mes semblables lorsque le Fils de Dieu m'a pardonné toute ma vie? J'ai été sauvé à l'âge de 12 ans et Dieu m'a pardonné chaque geste que j'ai commis et qui n'était pas droit à ses yeux. Ils ont tous été purifiés dans le sang de l'agneau. Comment alors pourrais-je méditer la vengeance et les représailles? J'ai le droit de ne pas aimer la façon dont on me traite, mais je n'ai pas le droit de refuser d'accorder mon pardon. Si je veux bâtir des amitiés durables, je dois apprendre à pardonner. Huitièmement, nous bâtissons de sages amitiés quand nous acceptons la critique et la louange avec le même plaisir. Et si vous vous demandez comment y arriver, posez-vous cette question. De quel droit acceptez-vous les éloges si vous ne pouvez pas accepter les réprimandes? En d'autres mots, si vous acceptez les fleurs, vous devez être prêt à recevoir également le pot. Si je suis vraiment convaincu de votre amour pour moi, je serai prêt à accepter vos remontrances, parce qu'alors je sais que vous aurez mes intérêts à cœur. Vous voyez quelque chose de mauvais que je ne vois pas et vous prenez le risque de me le signaler. Vous m'aimez assez pour me faire face et me dire ce qui ne va pas. Vous m'aimez assez pour me dire que je dois regarder une situation en face et la réévaluer. Et quiconque n'est pas capable d'entretenir ce genre de relation ne pourra pas avoir de vraies relations. On ne peut pas concevoir une relation authentique, satisfaisante, joyeuse et stimulante sans cette partie essentielle que sont les éloges et les critiques. Comment pouvons-nous réagir avec sagesse à ces choses? Je vous dis seulement que si vous voulez bâtir une relation ou une amitié durable, vous devez être disposé à accepter avec plaisir les remontrances aussi bien que les louanges. Et si vous savez qu'elles vous sont adressées dans un esprit d'amour véritable, où est le problème? Cet ami ne prend-il pas votre intérêt à cœur? Neuvièmement, nous bâtissons une sage amitié quand nous sommes disposés à nous impliquer dans la croissance spirituelle de notre ami. Quand nous encourageons notre ami à lire la parole de Dieu et que nous l'encourageons à prier si nous sommes prêts à prier avec lui, à étudier la parole et à suivre les voies de Dieu, nous bâtissons une solide amitié. De même, quand nous pouvons lui dire ce que Dieu nous dit à propos d'une situation, et que nous nous sentons libres de lui demander si nous pouvons prier par rapport à cette situation pour vérifier s'il obtiendra une confirmation à ce sujet, une fois encore, notre relation est solide. Deux amis sincères veulent voir l'autre grandir, car lorsque l'un grandit, il attire l'autre vers le haut. Quand une personne mûrit dans un aspect de sa vie, cela motive, édifie, encourage et inspire l'autre à grandir également dans cet aspect. Car, dans chaque aspect du caractère, l'un sera plus fort que l'autre dans un aspect et inversement. Et Dieu agit d'une manière fantastique dans la vie de l'un comme de l'autre. Quelle merveilleuse façon de nouer une amitié durable lorsque nous sommes appelés et motivés à aider l'autre à grandir dans sa vie spirituelle. Dixièmement, quand nous voulons réellement développer des amitiés durables, sincères et authentiques, nous nous engagerons à laisser les principes des Écritures gouverner notre relation. Si nous le faisons, cela élimine beaucoup de problèmes potentiels de notre vie. Si nous pouvons dire « Je suis intéressé à bâtir une relation d'amitié avec toi », décidons immédiatement que les principes de la parole de Dieu régleront notre relation et gouverneront notre conduite et notre comportement mutuel en public et en privé. Ils dirigeront chaque aspect de notre vie, car nous désirons entretenir une relation sanctifiée. Et quand nous décidons de bâtir une amitié basée sur les principes de la parole de Dieu, le résultat doit forcément être une relation loyale, dévouée et incomparable. Elle nous apportera la satisfaction, la joie et la paix, peu importe les circonstances. Charles Stanley nous a clairement exposé comment des amis intimes peuvent nous apporter une satisfaction et une joie incommensurables. Et même si ce genre de relation avec nos semblables forme une partie essentielle de la vie, la Bible nous rappelle que Jésus est l'ami qui est pour nous plus proche qu'un frère. Puisqu'il est notre Sauveur, nous savons que nous pouvons compter sur son amitié éternelle. Non seulement notre relation avec lui est-elle plus importante que toutes les autres, mais elle influencera d'une façon déterminante toutes nos autres relations avec nos semblables. Car en étant remplis de sa présence, nous pourrons nous donner à ceux qui nous entourent sans chercher en eux la plénitude, la joie, la paix et l'amour parfait et inconditionnel qu'il est le seul à pouvoir donner. Nous donnerons aux autres ce qu'ils nous donnent. Veillons alors à nous assurer que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prendra toujours la première place dans notre vie et dans notre cœur. Nos proches seront les premiers à en bénéficier. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.